Activité 33. Salut, c'est Sophie. Je te téléphone pour te dire comment aller chez David. C'est très facile à partir de la place de la République où tu travailles. Prends le boulevard Saint-Michel. Ensuite, tourne à droite, rue du Tournesol, et continue tout droit. Tourne dans la rue avec l'école. Je ne sais plus le nom de cette rue. Quand tu vois un cinéma, tourne à gauche. David habite face à la pharmacie. À tout à l'heure !